La mode doit être un changement, ce n'est pas une chose sérieuse. La mode est un phénomène frivole et superficiel, en effet. Mais c'est précisément dans les phénomènes superficiels que viennent se révéler les profondeurs et dans les phénomènes frivoles que vient se dévoiler le sérieux d'une société. C'était à la mode, chronique des usages oubliés. La corne de licorne et ensuite l'éclairage de Patrice Bourdelais. Venise, un matin d'hiver, disons de 1562. Une gondole s'avance lentement, au rythme de la perche qui glisse dans les eaux noires du Grand Canal. À son bord, un voyageur et son serviteur, chacun emmitouflé dans une cape de drap sombre. Il s'amarre et monte les marches qui mènent au porche d'un palais à la façade rose. Le voyageur est muni d'un laissez-passer, on le fait attendre, puis entrer dans un petit cabinet où le soleil entre par une unique fenêtre. Sur le mur du fond, un meuble d'ébène sculpté, une sorte de grande armoire couverte d'écailles de nacre avec fronton et colonnette, dont on lui ouvre les deux battants. Face à lui, une centaine de petits tiroirs. Le voyageur les tire un à un. Il y trouve des œufs aux couleurs étranges, des pierres rares, des coraux, de l'ambre, des reptiles séchés, des insectes pris dans la résine, des os, des bézoards, des griffes, des crânes, des graines, des fossiles. Et quand il lève les yeux au plafond, il y trouve suspendus des canoës d'Amérique, des armes exotiques et des oiseaux des îles, des animaux empaillés, à trois pattes ou deux têtes. Quand il a bien tout regardé, il s'approche lentement d'une table, au centre de la pièce. Sur la table, il y a une vitrine délicate sur laquelle il se penche le cœur battant. Et là, posée sur un coussin écarlate, une corne de licorne, longue, droite, blanche et torsadée. Lui qui pensait mourir sans jamais en avoir vu. Il faut dire qu'au XVIe siècle, ils sont très peu à en posséder une entière. Des princes, quelques rois, des cardinaux et des papes, bien sûr, puisque la licorne symbolise un peu Marie et Jésus à la fois. La Vierge parce qu'on dit qu'elle sait percevoir la virginité, et c'est pour ça qu'elle est souvent représentée dans les annonciations. Et le Christ parce qu'elle est souvent traîtreusement tuée, le flanc percé par une lance, comme Jésus sur la croix. Et par conséquent, toute cathédrale qui se respecte se doit d'en posséder une, de corne, comme à Milan, Londres, Strasbourg, Westminster, Cracovie, Mantoue, Florence et évidemment au Vatican. Et c'est d'autant plus prestigieux que la corne de licorne est rare, presque introuvable et dotée de pouvoirs mystérieux. Alors là, n'importe quoi. Alors forcément, tous les grands de ce monde en veulent une, au point qu'en avoir un morceau, un tronçon ou même une simple tranche est déjà un signe de pouvoir. Elle vaut 10 fois son pesant d'or. Laurent le Magnifique a payé la sienne 6 000 florins. Celle de Jules III a coûté 90 000 écus. La République de Venise, elle, est prête à mettre 30 000 ducats pour en acquérir une troisième. En 1553, Clément VII en offre une à François Ier. Quant à Mazarin, il en possédait deux, dont une de 7 pieds qui valait 2 000 livres. Mais la plus belle est celle qu'Haroun al-Rachid a offert à Charlemagne et qui a été livrée, avec en prime un éléphant blanc qui a fini par mourir, sans doute de froid, à Aix-la-Chapelle. Bref, la corne de licorne est le graal des cabinets de curiosité, mais aussi l'ébauche des collections qui, au XVIe siècle, disent le prestige des riches et des puissants. On y rassemble, dans des meubles taillés sur mesure, les merveilles et les bizarreries de la création, végétaux, animaux, minéraux et objets créés par l'homme. Là s'affirme le génie humain, mais aussi la puissance divine, et ces cabinets sont le maillon entre un monde gouverné par le merveilleux et la religion, et l'avènement prochain d'un monde guidé par les sciences. Le cabinet de curiosité est aussi le miroir du territoire arpenté par l'Occident, puisqu'à partir du moment où l'on explore de nouvelles terres, les cabinets se peuplent d'objets et d'animaux exotiques. Bref, de ces cabinets bric-à-brac, il y en a des centaines, voire des milliers, en Europe au XVIe siècle. Et puis souvent, on dresse l'inventaire de sa collection et on le fait imprimer, accompagné de gravures à destination des curieux et des scientifiques. Et aussi un peu, il faut l'avouer, pour que tous sachent la richesse du cabinet en question et du coût de son propriétaire. Nombreux d'ailleurs sont les curieux qui se déplacent munis de sauf-conduits pour visiter les cabinets les mieux achalandés. Le cabinet de curiosité est du coup un peu aussi l'ancêtre du musée. Mais revenons à la corne de licorne, clou des collections, et d'autant plus rare et chère que, petit détail cocasse, la licorne n'existe pas. Bah quand même. Et ce qu'on trouve à la Renaissance dans les tiroirs des princes sont de vulgaires morceaux de cornes d'antilope, d'oryx, de défense d'éléphant, de dents de narval ou de morse. Alors c'est triste, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est ce qui explique sans doute que même à l'époque, rares sont ceux qui osent prétendre en avoir vu. Pourtant, elle trottine avec insolence dans les pages de l'Ancien Testament, la licorne. Et c'est d'ailleurs la principale preuve de son existence. Non mais c'est pas vrai. Elle est aussi présente dans tous les bestiaires du Moyen-Âge. C'est parfois une sorte de biche, d'autrefois un genre de chèvre, ou une espèce de chacal quand ce n'est pas une vulgaire vache, avec une corne noire ou blanche, droite ou courbe, lisse ou torsadée, et sa robe peut être blanche ou tachetée. Et ce n'est qu'au XIIIe siècle qu'elle devient ce délicat cheval immaculé avec son élégante corne d'ivoire torsadée, plantée bien droite au milieu du front et définitivement parée de vertus chevaleresques au point d'habiter un certain nombre de tapisseries sur fond de clairières fleuries ou batifoles de petits lapereaux. Et puis la preuve qu'elle existe, oh mais ça va pas recommencer, c'est qu'on sait des tas de choses sur elle, y compris des méthodes infaillibles pour l'attraper. Par exemple, on peut déposer une vierge au pied d'une montagne. Vous vous souvenez qu'on a dit juste avant que la licorne les détecte et en fait, c'est même mieux que ça, la virginité les attire. Ensuite, il suffit d'attendre que la licorne, alléchée par le parfum et devenue inoffensive tant elle est enivrée, s'approche de la pucelle et là, pour la capturer, il n'y a plus qu'à la ramasser quand elle tombera évanouie dans le giron de la vierge en question. En tous les cas, si on tient tant à la capturer, c'est que depuis la fin du Moyen-Âge, on connaît les propriétés de sa corne. Râpée, en poudre ou en amulette, elle est le contrepoison absolu, au point que les plus méfiants aiment en faire des gobelets. Oh non mais j'hallucine. Avec sa peau, on peut même se faire une ceinture qui éloigne la peste, et Hildegarde de Bingen recommande chaudement d'utiliser son foie pour combattre la lèpre. Pourtant, certains mécréants de la Renaissance commencent à douter des vertus de la corne, et au pire moment en plus, quand les Médicis s'empoisonnent à tour de bras et qu'avec ces cornes miraculeuses, ils espèrent décourager les empoisonneurs tapis dans l'ombre. Alors désormais, le doute s'installe, et des médecins comme Andrea Marini en 1566 ou Ambroise Paré en 1582 commencent à être plus que circonspects. Ah, bah quand même! Le médecin du roi écrit même un texte qui remet en cause de façon rationnelle et scientifique les propriétés curatives de la momie, du venin et de la corne de licorne. Mais il n'ose tout de même pas aller jusqu'à nier l'existence de l'animal qui est, je vous le rappelle, attesté par la Bible. Oh, ça recommence. Et en ces temps de protestantisme, on ne rigole pas trop avec la foi. Mais les apothicaires qui vivent du commerce des poudres de perlimpinpin ne se laissent pas faire et prennent la défense de la licorne. Laurent Catellan, qui exerce à Montpellier, affirme même qu'il en possède une de corne, qu'il aurait trouvée en Éthiopie en 1624, et il réfute la réfutation. D'autres donnent même des méthodes pour authentifier une vraie corne, dont le simple contact fait tomber raide mort, scorpion, vipère et tarentule. Et puis c'est bien connu, si on la brûle, elle dégage une odeur suave, et trempée-la dans l'eau, elle fera des bulles. Pourquoi pas des arcs-en-ciel en paillettes? Mais c'est trop tard, le doute s'est installé. Et puis il y a autre chose. Les décennies passent et la corne de licorne qui était quasi introuvable devient de plus en plus facile à trouver. Et bizarrement, cette augmentation de la quantité de corne de licorne est liée au développement de la pêche au narval. Et certains petits malins commencent à faire le rapprochement. Est-ce que la précieuse corne de licorne blanche et torsadée qui repose dans mon cabinet de curiosité ne serait pas une dent de narval? Bah, évidemment. Et bientôt, n'importe qui peut avoir sa corne de licorne, même de vulgaires bourgeois en ont chez eux et qu'ils montrent à qui veut. Et là, c'en est trop. Le cours de la corne chute dangereusement, plus aucun prince n'en veut même pour y suspendre sa perruque. Bientôt vendue à peine 30 livres, elle déserte définitivement les cabinets de curiosité. Et d'ailleurs, les cabinets de curiosité disparaissent eux aussi. Ils cèdent la place à l'engouement pour la science, à la vraie et à l'histoire naturelle. Alors désormais, seuls les apothicaires recherchent encore la véritable dent du narval, désormais dite licorne de mer, pour mieux brouiller les pistes, et qui, elle aussi, et c'est bien pratique, guérit tout ce qu'on veut, mais qui a au moins le mérite d'exister. Patrice Bourdelais, bonjour. Vous êtes historien, démographe, spécialiste de l'histoire des épidémies et de la santé publique. Et vous avez écrit, entre autres, Les épidémies terrassées aux éditions de La Martinière, Visage du choléra, Une peur bleue, et donc sur l'histoire du choléra en France, Peur et terreur face à la contagion. Alors, on a vu durant les grands moments épidémiques de l'histoire, alors qu'on ne savait finalement que très peu de choses sur la transmission et la nature des maladies. On a vu que circulaient beaucoup de remèdes miraculeux, dont la corne de licorne, qui pouvait guérir la peste, les empoisonnements et la lèpre. Est-ce que ce recours aux remèdes miraculeux est une constante des moments épidémiques et est-ce qu'on peut dire quelque chose de ces remèdes ? Alors, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit d'une constante, effectivement, qu'on retrouve donc à toutes les époques, j'allais dire jusqu'à la nôtre, puisque nous avons vu émerger même il y a quelques mois, d'un côté l'artémisia comme remède miraculeux contre le Covid, et de l'autre, plus scientifique mais néanmoins promu de façon assez forte sur les médias, la fameuse hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Et alors, vous avez évoqué l'artémisia, qu'est-ce que c'est ? C'est une plante qui protège du palu et que le président de Madagascar a promu récemment au rang de remède miracle contre le Covid. Donc, on a effectivement, dès que la médecine est en échec, en fait, même aujourd'hui, très facilement recours à des produits qui paraissent salutaires. C'est une forme de refuge, au fond, face à un inconnu, une inconnue sur le futur de l'épidémie. Alors, on a compris aussi, Patrice Bourdelais, donc, que le chute du cours de la corne de licorne et la désaffection pour les cabinets de curiosité a accompagné aussi un mouvement d'une société qui est passée d'un régime de croyance à un régime de scientificité autour du XVIIIe siècle. Comment est-ce que c'est arrivé et est-ce qu'on peut aussi voir dans notre régime scientiste aujourd'hui des choses qui sont un peu dans ce moment de bascule ? Sur un plan d'analyse de long terme, de ce basculement, effectivement, vous l'avez dit, pour aller vite, on peut dire que c'est un mouvement qui accompagne celui de la laïcisation des attitudes devant la vie et qui s'ancre et se développe dans la deuxième partie du XVIIIe siècle au moment de l'âge des Lumières, au fond. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la conviction que le progrès des connaissances et des découvertes scientifiques va engendrer une amélioration globale de la vie sociale, économique et culturelle. Et sur le plan médical et sanitaire, c'est un mouvement qui prend forme de façon éclatante, un peu trop peut-être, avec la découverte de la vaccine par Jenner, qui est loin d'une découverte de laboratoire quand même, et cette vaccination est très efficace. Contre la variole, elle fait le tour du monde en quelques années, c'est dire à quel point elle a été adoptée rapidement par les populations, et elle est perçue, ça on a des textes là-dessus, dans les années 1815, 20, 25, comme le premier pas de la victoire de nos sociétés contre les épidémies, les maladies contagieuses. Et donc, cette idéologie du progrès qui va s'appuyer sur ce genre de victoire éclatante, au fond. Et puis, au cours du 19e siècle, vous avez la microbactériologie qui découvre énormément de germes pathogènes de toutes nos maladies à la fin du siècle. C'est Pasteur et Corps, au fond, les deux grandes figures. Et puis, il met au point des sérums pour s'en protéger, des vaccins. Puis, avec la Seconde Guerre mondiale, on arrive aux antibiotiques. Et au fond, dans les années 1970, tout le monde pense, y compris à l'OMS, que l'homme est capable d'éradiquer les maladies infectieuses, contagieuses, une à une. Ce qui est entrepris avec la variole, qu'on parvient à éradiquer, effectivement, en 1979-80. On lance un grand programme sur l'éradication de la poliomyélite qui échoue à très peu de choses près, mais qui échoue. Etc. Donc, et ensuite, au fond, le basculement, il est dans les années 1980, pour les spécialistes, pas pour l'opinion générale. Bah, c'est l'époque où le sida arrive aussi, hein. Donc, c'est une grande leçon, normalement, d'humilité pour nos sociétés. Et puis, beaucoup de maladies émergentes ou réémergentes se manifestent, des tuberculoses résistantes, de nouvelles fièvres, une extension des anciennes. Bon, et au fond, tout cela a conduit tout de même la population à faire une confiance démesurée, peut-être, dans la médecine. Finalement, c'est comme si ce scientisme était devenu une forme de croyance aussi, quasiment. Alors, il y a une forme de croyance, oui, je pense qu'on peut le dire, dans une certaine partie de la population au moins, parce qu'il y a ce qui peut être considéré comme des preuves illustratives, des faits. Hein, c'est la force du fait. Et vous pensez que c'est peut-être ce scientisme qui a fait qu'on s'est laissé surprendre, qui nous a peut-être aveuglés, qu'on n'a rien vu venir, comme on dit souvent aujourd'hui? Oui, je pense que c'est l'assurance. C'est l'assurance d'autant plus que quand on observe ce qui s'est produit depuis 2000, les années 2000, vous avez le SRAS, grosse alerte, très peu de morts. Vous avez les grippes aviaires, énormes alertes, très peu de morts. H1N1, 300 morts en France, ou à peine plus. Le MERS, pratiquement pas de mortalité. Et donc, il y a eu une sorte de tranquillité au fond, puisque même quand il y avait des menaces très fortes, avec des états d'alerte au niveau de celui qu'on a connu, d'OMS, on avait réussi à contrôler la situation et qu'au fond, c'était cette certitude que notre état sanitaire général, notre couverture vaccinale, notre niveau de vie, etc., etc., au fond, nous mettait à l'abri de ces épidémies. Et une telle assurance, évidemment, ça peut avoir des effets terribles sur le manque de préparation, on va dire, aujourd'hui. Alors peut-être une dernière question, Patrice Bourdelais. Est-ce que ce que vous avez vu aujourd'hui, vécu comme historien personnellement pendant cette épidémie, pendant ce moment de crise, de confinement, vous a aidé à mieux comprendre ou à mieux voir les choses du passé que vous aviez étudiées, à mieux comprendre ce qui s'était passé pendant le choléra, pendant la peste, pendant ces choses que vous aviez étudiées à travers des archives finalement? Oui, ce qui me surprend le plus dans ce que je viens de vivre, c'est que collectivement, nous ayons pu imaginer que les grandes épidémies appartenaient à un passé révolu. Donc ça, c'est alors ce que je retrouve par rapport aux épidémies anciennes, c'est que toute épidémie est un moment où chaque groupe politique et socio-professionnel, j'allais dire, pour parler plus moderne aujourd'hui, maintenant, essaie d'instrumentaliser l'épidémie à son profit. C'est finalement une loi dans toutes les épidémies. Ce qui m'a frappé aussi, c'est à quel point la science, qui s'était construite contre les savoirs populaires sur le corps et la maladie, dénigre encore aujourd'hui ce qui est un peu trop intuitif. Et pour moi, le cas du masque est extraordinairement exemplaire de ça. Parce qu'au fond, notre directeur général de la santé aurait pu dire au début, ah oui, les masques, bah écoutez, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui en portent, ça semble ancré depuis des décennies chez certaines populations, donc c'est peut-être pas inutile quand même. Si vous voulez vous en faire, il faut mettre 3 couches de tissu et hop, voilà. On n'avait pas besoin d'en dire plus. Alors que là, il a fallu, et ça c'est une attitude de la science vraiment insupportable, une explication physico-technique sur la taille des postillons pour justifier que non, il n'y avait pas besoin de masques. Ce qui est quand même pour moi un exemple assez extraordinaire de cette manière que la science a eue souvent de considérer qu'il n'y avait pas de savoir populaire valide. Or, au fond, les personnes qui, au 15e, 16e, 17e, 18e siècle, ignoraient tout du germe de la peste, ont néanmoins su créer des dispositifs pour s'en protéger. Regardez de près quels sont les acquis de l'observation récurrente, répétée des populations, c'est aussi quelque chose, une forme d'humilité sans doute. Et si je dois conclure, je pense que si cette humilité était adoptée par nos médecins à la suite de cet échec, quand même, face au coronavirus, ça ne serait pas si mal. Merci beaucoup, Patrice Bourdelais. Au revoir. C'était À la mode, Perrine Guervent, Véronique Samouilov.